Sers-moi donc un canon, patron. Sers-moi donc une bière, Albert. Sers-moi donc un café serré. Pour ça, Albert est le roi de la terre. Il en a marre de travailler, il a raison. Piétiner toute la soirée pour des têtes de con. Il en a marre de travailler, il a pas tort. Piétiner toute la soirée pour des ivres morts. Il y a des clients intéressants qui crient, qui braillent à tout bout de champ. C'est vrai qu'on est presque abonnés. Toute l'année, y a des clientes un peu trop chiantes qui souhaitent une vie tellement. Albert réplique le Tiffany, c'est pas une pharmacie. L'en a marre de travailler, l'en a plein le dos, piétiner toute la soirée. L'en a plein son calbut, tous azimuts, des polissons et des cochons. Il peut en sortir des tonnes. Y a des concerts toute l'année, en plein hiver, en plein été. L'animation au Tiffany, c'est pas fait par des abrutis. L'en a marre de travailler, c'est plus comme avant. Rien n'empêche de déconner un peu tout le temps. L'en a marre de travailler, c'est plus comme avant. Rien n'empêche de déconner un peu tout le temps. Dans les yeux d'Albert, y a pas de saut métier sur terre. Il n'y a que de sottes gens qui ne sont jamais content. Trouve-moi donc un patron canon qui succédera au Pierre d'Albert. Saura-t-il faire du bon café? Ça sera peut-être pas sa tasse de thé. L'en a marre de travailler.